Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Édition spéciale du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Cette semaine, pas de chronique, seulement de la musique. On va découvrir ensemble un petit peu le monde du chiptune. Vous savez qu'au Mathieu Plante Show, on écoute du chiptune chaque semaine entre les chroniques. Cette fois-ci, pas du tout de chronique pour découvrir le groupe 8-Bit Weapon, des pionniers du domaine de la musique chiptune, donc la musique est créée à partir de consoles de jeux vidéo ou encore inspirée par les jeux vidéo. On va écouter plusieurs de leurs albums aujourd'hui. Je me suis dit que ça allait vraiment être le fun de commencer par un nouveau concept sur l'album qui a été créé à partir d'un Apple II, donc la carte mère d'un ordinateur Apple II de la fin des années 70, popularisé par les années 80. Ils ont fait un album de musique classique avec le Apple II. Donc, sans en parler plus longtemps, on fera ça plus tard. Écoutons les trois premières pièces. Commençons par notre ami Bach. Voici Sheep May Safely Graze au Mathieu Plante Show sur Cifou. Bach qu'on écoute avec Prelude and Fugue 1 in C major. Et c'est de toujours Bach avec Two Part Invention. Au début, Cheap May Safely Graze. Les trois premières pièces sur 12 de l'album Class Apples par 8-Bit Weapon. Comme je le disais tantôt, c'est créé à partir de l'ordinateur Apple II. C'est grâce à une révolution dans la technologie de l'Apple II par le codeur légendaire Mr. Michael J. Mahan. On peut pousser les instruments 8 bits à travers les célèbres 1 bit, le célèbre 1 bit de l'Apple II. Donc une découverte récente. Et on écoute maintenant Beethoven avec For Elise. Thank you. Bach et Invention 8, précédé de Mozart avec A Little Night Music et au début du bloc Four Elise, toujours par Beethoven. Non, pas toujours. Par Beethoven, on n'avait pas encore entendu Beethoven. Ce qui joue en ce moment, c'est Bach avec Prelude in C minor. Tantôt, je disais qu'il y avait une révolution dans le monde qui avait réussi à faire passer la musique des instruments 8 bits par le seul et unique bit de l'Apple II. C'est ce qui rend cette compilation classe Apple possible. Il y a une autre amélioration technologique du matériel MIDI de Charles Mangin qui permet de contrôler l'Apple II comme si c'était un module MIDI. Les musiciens électroniques savent un petit peu de quoi je parle. Donc c'est pour ça qu'on écoute Class Apples, cet album de 8-Bit Weapon et cette pièce de Bach, qui sera suivie de Mozart, de plus de Bach et de Beethoven. À la fin, vous êtes au Mathieu Plante Show sur C'est fou. Précédé de Rondo a la Turca et au début du bloc Prelude in C minor. On écoute l'album Class Apples par 8-Bit Weapon, donc des pièces de musique classique reprise en 1 bit sur l'ordinateur Apple II. Apple II qui a été créé à la fin des années 70, popularisé par les années 80. Chaque pièce ici a été recréée, réenregistrée pour votre grand plaisir. Un petit peu d'equalizer, de filtre et d'autres effets qui ont été ajoutés pour rendre ça encore plus plaisant. On continue avec Back. Voici Air Crumb tout de suite au Mathieu Planche. Thank you. Beethoven et Moonlight Sonata, reprise par Elbit Weapon. C'était précédé de Bach et Gounod avec Ave Maria. Et au début, Bach avec Air Crumb. Ce sont les trois dernières pièces de l'album Class Apples, disponible sur 8bitweapon.bandcamp.com. Donc on a repris de la musique classique avec le Apple II des années 70 et l'ordinateur avec un seul bit. Donc on passe la musique 8 bits à travers cette carte mère. Voilà. On passe toute l'émission à écouter du 8-Bit Weapon pour découvrir le chiptune ensemble un petit peu plus. Et la prochaine mérite un petit peu de contexte. En fait, c'est un album satirique de 8-Bit Weapon. Et on a pris le concept du DLC, donc du contenu à télécharger, le Downloadable Content. Donc on va entendre la version standard. C'est une parodie de ça. Donc on a DLC des OST, donc la trame sonore du DLC. C'est seulement la mélodie. Et ensuite on ajoute de la batterie dans la deuxième pièce. Ensuite on rajoute autre chose encore et encore. Il y a une expansion et des bonus après ça. Donc on reprend le principe du contenu à télécharger et on pose la question, est-ce que les gens seraient prêts à payer pour ça? Donc écoutons la version standard, suivra la version Drums DLC, puis l'Expansion DLC. On écoute donc 8-Bit Weapon au Mathieu Planchon sur C'est fou 89 FM. I'm certain concept DLC, The OST par Bit Weapon. Ça, c'était l'Expansion DLC avant Drums DLC. Au début, Standard Edition. C'est une imitation, bien sûr, du concept qu'on a dans le présent, du contenu à télécharger dans le jeu vidéo. Donc, tu commences avec un jeu où il y a presque y a moins de choses qu'au final. Et après ça, tu rajoutes des trucs jusqu'à temps que ça donne l'édition complète. Et là, si je time correctement mon intervention, dans quelques secondes, on va être arrivé à la Season Pass Edition. Donc, tout va être ensemble en un seul morceau qu'on va pouvoir écouter dans quelques moments. Vous pouvez télécharger ça sur elbitweapon.bandcamp.com. DLC, The OST. Donc, voici tout de suite la Season Pass, le kit au complet. Mathieu Plancho, c'est fou! 85! DLC, The OST Season Pass Bundle, version 1.3 par 8-Bit Weapon. Pour ceux qui n'étaient pas là tantôt, j'expliquais que le concept était de commencer avec une pièce sans trop de flafla, et ensuite on ajoutait la batterie, on ajoutait l'expansion pour donner une pièce complète. C'est le concept derrière DLC, The OST par 8-Bit Weapon. C'est Seth et Michelle Computer Sternberger et leur album qui date du mois de mai 2017. L'autre qu'on avait écouté en début d'émission datait de juillet 2017. Donc la réponse à la question, est-ce que les gens téléchargeraient du DLC pour une trame sonore de jeu vidéo? Ben, probablement pas. Mais la chose intéressante dans cet album-là, c'est que non seulement vous avez la version complète qu'on est en train d'écouter en ce moment, mais en plus, quelques bonus. Hein? En DLC, on fait ça aussi, ajouter des petits bonus, le fun, qu'on n'avait pas avec le jeu à la base. Et tout ça pour seulement 3$ sur Bandcamp. 8bitweapon.bandcamp.com. On va écouter les deux pièces bonus, justement. Tout à l'heure, il y aura Emperor's New Content. Mais on va débuter avec Standalone Adventure Bundle Bonus par 8-Bit Weapon. Tout de suite au Mathieu Plancho. La pièce bonus, c'est Emperor's New Content Bundle Bonus par 8-Bit Weapon. Avant ça, c'était une autre pièce bonus. C'était... c'est quoi son nom? À l'autre. Ah, j'ai oublié. Un petit peu. Ah. Standalone Adventure. Voilà. Donc, les pièces... 1, 2, 3, qu'on a entendu dans ce bloc-là. Avant ça, 4, 5, 6. Si vous voulez télécharger ça, c'est sur DLC, DOST8bitweapon.bandcamp.com. On va continuer avec 8-Bit Weapon. C'est ce qu'on découvre aujourd'hui, Mathieu Planchot, en cette édition spéciale. On écoute du 8-Bit Weapon parce que c'est un band pionnier du chiptune. C'est un band formé par Seth et Michelle Sternberger. À l'origine, créé par Seth Sternberger en 1999 environ. On n'est pas tout à fait certain. Leurs instruments, c'est surtout des vieux ordinateurs 8-bit et 16-bit avec une sortie 8-bit, donc le Commodore VC20, le Commodore 64, le Commodore 128, le Commodore Amiga 500, le Apple II qu'on a entendu en début d'émission, des consoles de jeux vidéo comme la NES, la Game Boy, Atari 2600 et un synthétiseur Intellivision. On écoute maintenant leur album qui se nomme Chiptopia, c'est le best-of de 8-Bit Weapon et Compute Her, donc Compute Her étant une des membres de 8-Bit Weapon. On commence avec la première pièce de cet album, c'est Bits with Byte par 8-Bit Weapon au Mathieu Planche. We'll be right back. vous êtes assez fou. 89. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. On écoute l'album Chiptopia par 8-Bit Weapon et Computer. C'est leur best-of, finalement. Ce qu'ils jouent là, c'est Chip on Your Shoulder par 8-Bit Weapon. Avant, c'était Sissa par Computer. On a débuté avec Bits with Bytes par 8-Bit Weapon. Cet album-là, donc, couvre une décennie de musique par 8-Bit Weapon et Computer. Ça représente leurs meilleures pièces. Et vous pouvez entendre plus de pièces encore dans la compilation 8-Bit Weapon Collection. Ça a 56 pièces, tout ça. On a parlé un petit peu tantôt de leur historique, qu'ils existent depuis 1999. Ils ont commencé en remixant des pièces sur Commodore 64. Ils se sont fait connaître, en fait, avec une très bonne publication de la part du Los Angeles Times. Ils ont performé sur la regrettée chaîne de jeux vidéo G4. Ils ont fait des performances à l'E3 en 2004, 2005 et 2006. Ils avaient aussi un événement en 2004. À l'E3, il y avait un événement pour le jeu Halo 2, exclusivité Xbox, et il y avait la trame sonore écrite et produite par 8-Bit Weapon. Ça durait 15 minutes et ça jouait en boucle, là où les gens pouvaient essayer Halo 2. Ils ont travaillé aussi avec Erasure, Information Society et Kraftwerk. Ils ont remixé de la musique pour eux. Et en juillet 2007, 8-Bit Weapon a performé au 25e anniversaire du Commodore 64. Donc continuons à l'instant avec trois autres pièces de la compilation Chiptopia. Plus tard, il y aura du 8-Bit Weapon, bien sûr, et du Computer. On débute avec justement Computer et New York tout de suite au Mathieu Plante Show sur CFOU. La pièce Dark Pub par Computer, précédée de The Art of Video Games Anthem par 8-Bit Weapon. Et on a débuté avec New York par Computer. Oui, on écoute la compilation Chiptopia, The Best of 8-Bit Weapon et Computer. Parlons un petit peu plus du groupe. On en parle tout au long de l'émission, c'est ce qu'on fait. En avril 2009, Sony Creative Software a sorti 8-Bit Weapon Chiptune Odyssey. C'est une bibliothèque de loops et de samples pour faire votre propre musique chiptune. Ça contient donc des loops et des samples fabriqués par le band sur Apple II, sur Commodore 64, NES, Game Boy et l'Atari 2600. Vraiment cool. On continue avec un autre bloc de 3 tout de suite. Plus tard, il y aura Tickled Pink par Computer et Egustra par 8-Bit Weapon, mais on commence avec Micro Boogie par 8-Bit Weapon tout de suite au Mathieu Plante Show, et on se continue ça pour encore un bon petit bout de temps. L'album, on le joue au complet. Take your time. On écoute la compilation Chiptopia de Best of 8-Bit Weapon et Computer. Ce qu'on vient d'entendre, c'est Igustra par 8-Bit Weapon. Avant ça, Tickled Pink par Computer. Et on débute avec Micro Boogie par 8-Bit Weapon. On parle du band depuis les dernières interventions et maintenant parlons des membres en tant que tels. Seth, qui a fondé le band entre 98 et 99. On n'est pas trop sûr, je sais pas si... S'il y a eu de l'influence de drogue là-dedans, pour pas se rappeler du début, mais bon. C'est lui qui écrit les chansons principalement. Il joue du Commodore 64 et 128, du Apple 2C, des Game Boy. Il fait de la voix, donc lead vocals via un vocoder, comme vous l'avez entendu tantôt, lors des événements live devant public. Ensuite, l'autre band principale, c'est Michelle, qui a rejoint le band, oui, en octobre 2006. Elle écrit de la musique pour le band aussi. Elle a aussi quelques albums solo. On l'écoute depuis quelques temps, depuis tout à l'heure, avec Computer. Elle joue du Commodore 64 et du 128, du Apple IIe, de la batterie acoustique et des synthétiseurs lors d'événements devant public. C'est son band solo Computer, créé par Michelle Sternberger en 2005. Elle fait de la musique avec des ordinateurs 8-bit et des consoles de jeux vidéo, des cartes son en fait de consoles de jeux vidéo. Le reste, on en parlera tantôt parce que c'est intéressant, le prochain petit fait sur le Smithsonian American Art Museum. Avant ça, par contre, on continue avec une pièce de Computer, justement. Voici Heartbeeps tout de suite au Mathieu Plante Show spécial. Chiptopia en ce moment, mais 8-bit weapon en général. www.choc.ca. 8-Bit Weapon et Computer, ça c'était la pièce Coco Kitty. Oui, Coco Kitty par Computer. Avant ça, c'était Miami Dub Bounce par 8-Bit Weapon. On a débuté le bloc avec Heartbeats par Computer. Il nous reste 4 dernières pièces à entendre. On va les entendre une à la suite de l'autre. Mais tantôt, je vous ai dit que je voulais parler un petit peu plus de Computer, qui fait partie des 8-Bit Weapon. En fait, elle a contribué au Smithsonian American Art Museum à Washington, D.C. Sa musique est dans une exposition qui se nomme « The Art of Video Games » où elle fournit la trame sonore d'une vidéo qui met en vedette différents jeux vidéo. En fait, c'est une vidéo qui montre des jeux vidéo à l'entrée de la galerie. Ça a voyagé dans plusieurs villes après sa présentation à Washington, D.C. en mars 2012. Elle a aussi performé à plusieurs autres événements. Vraiment cool, Computer. D'anciens membres du band 8-Bit Weapon, on parle de Melbot entre 2006 et 2008, qui jouait du clavier lors d'événements devant public. Elle fait maintenant carrière solo. Ainsi que Stacy Supersticks Taylor, qui elle a joué de la batterie acoustique devant public, ainsi que sur certains enregistrements. On continue avec le dernier bloc que j'ai mentionné tantôt plus tard, Twilight Bite par Computer, mais tout de suite voici Fallout et The Wasteland TND Remix par 8-Bit Weapon au Mathieu Plante Show. Sa pièce Sugar Cube qu'on écoute en ce moment. Pas mal bon ça, hein, n'est-ce pas? Donc c'est la trame sonore Chiptopia qu'on écoute par 8-Bit Weapon et Computer. On a entendu toutes les pièces de l'album. Vous pouvez les retrouver sur 8bitweapon.bandcamp.com si ça vous intéresse. Une belle petite compilation de combien de pièces tout ça? Et j'ai tout le temps mes informations trop loin de moi, hein? Trop loin de moi. C'est une compilation de 16 pièces, voilà. Avant ça, on a entendu Closer Bitpop Mix par 8-Bit Weapon et au début du bloc Twilight Bite par Computer. On jongle avec plusieurs albums de 8-Bit Weapon depuis le début de l'émission. Si vous voulez en entendre d'autres pièces, il y a aussi The 8-Bit Weapon Collection 1998-2012 qui, elle, a 56 pièces, dont plusieurs qu'on a entendues dans Chiptopia. Et comme on a un petit peu de temps en fin d'émission, on va entendre quelques-unes de ces pièces sur The 8-Bit Weapon Collection. Commençons par Fat Machine Sid Mix. Mathieu Planchon. Weapon. Rock Chronic Plague. Visited the Fire Machine, Sid Mix. On va se quitter dans quelques instants avec Rock Chronic. Breakbeat Bonanza. C'est bon, des altérations. C'est tout pour cette édition spéciale du Mathieu Plante Show sur 8-Bit Weapon. J'espère que vous avez aimé ça au moins un petit peu. Au moins. Merci donc d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine. Toujours les mercredis entre 15h et 17h. On rappelle les jeudis à 13h. Je suis aussi à Assemblage Requise du lundi au vendredi de 7h à 10h. Et au Palmarès C'est Fou du lundi au jeudi de midi à 13h. Oui, je sais que c'est trop. Consultez la programmation complète sur cif.ca. Les notes de l'émission, les balados diffusion sur assemblagerequise.com. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show. Mathieu Plante, c'est Mathieu Plante. Vous avez été planté. Restez là pour Audio Massif de mercredi. Et à la prochaine fois.